Mon empire, c'est le SNDIK des rimes. Pour le meilleur comme pour le pire, les embrouilles, on les voit venir. Alors je préfère t'avertir. Poulet, viens pas ici ou on va trop tirer. On va pas te manger, peur de vomir. Je pense à mon poteau le rat qui vient juste de sortir. À tous mes proches, j'espère le même sourire. Sur ce son, c'est le cœur qui est en train d'écrire. Marre de souffrir, le martyr. Ici, c'est dans le dos que ça tire. Faire confiance à certaines personnes qui vont pas te trahir. Je suis pas là pour te salir, oh. Si tu veux fuir la souffrance que t'es en train de subir, les keufs veulent te pourrir. Toujours obligé de t'enfuir. Sauter par-dessus la barrière et courir. Juste à cause d'un poteau qu'aujourd'hui tu vas haïr. Devant la justice, tu l'as vu faillir. T'espères bien le voir mourir. Quand tu lui as proposé le plan, il a dit ça déchire. Mais ce Condé savait qu'il allait tout lui dire. Mais c'est du passé, faut penser à l'avenir. Tout ce que j'aime, je kifferai les chérir. Même si pour cela, je devrais périr. Sur cet instru, je pose des rimes en ir. VYDO, c'est mon délire. Ma plume en guise de revolver. Pas besoin de jouer les gangsters. J'paierai avec mon frère. Même si parfois je perds mes repères. Sur cette terre, j'ai pas envie de me taire. Je veux s'y faire. Des rimes enflammées venant tout droit des enfers. Pas de thème, juste des rimes en air. Je pense à ma mère qui pleure souvent la perte d'un être cher. Son petit-fils la rend heureux d'être grand-mère. J'ai les nerfs quand je me perds dans mes pensées. C'est un calvaire. Quand je parle de toi, c'est même mon frère. Vidoriqueuse, on pense à toi dans nos prières. Inch'Allah, qu'il te soit pas arrivé de galère. Pas d'embrouille ni d'insulte au commissaire. Car la prison, c'est une cellule culte. Pour toi, t'en es peu fier. Prédestiné à une grande carrière avec le SNDIK, mais tu n'es pas là, la misère. C'est cette lumière qui m'éclaire et m'écarte loin du cimetière. Je voudrais naviguer sur des vagues absentées de toute colère. Bercé par ces chants d'éclairs, un monde prospère. J'en rêve depuis mes premiers pas sur terre. J'ai souffert d'un passé aussi aride qu'un désert. Je me sers de mon bic pour passer des messages clairs. Je suis clair, je suis clair. De l'eau de roche aussi sévère que la mer en colère. Pas vulgaire comme un père sur les nerfs. Parfois violent comme un pompe posé sur ta tempe, frère. Si tu balances pour être à l'air, libre avec un air d'innocence comme un cacheton déposé dans un verre, c'est pas de chance, merde. Pas question de se laisser faire ou de se faire traîner devant Lucifer pour avoir viscère ayant client galère. Marre des bavures policières, marre d'entendre que des gamines se font violer dans des vestiaires. Marre des politiques qui veulent nettoyer les tests au carcère. Nous, on se fait simplement de l'argent en vendant des parades peu chères pour subvenir aux besoins de la chair, de ma chair. Je rappe pas pour avoir les poches remplies de billets verts. Je m'en fous d'être connu sur la terre entière. La rage coule dans mes artères. Il s'avère que la chance m'est passée au travers. Je cours vers son sens, à sens, je reste couvert. Que ce rit, un manque d'inspi, avec un feu split, je m'envoie en l'air.